J'en veux au monde, ceinturé de bâton d'une âme sortant d'une mosquée. J'en veux au monde, j'suis de la marron ou des bosquets. J'marque au Posca, qu'il faut stopper. Le FN, c'est bâtard de peine avec des rimes dopées. T'es haut payé, nous on est au TOP de trop près. Impliqué dans des affaires de béto, d'escroquerie. Compris, vos mères, j'me barre avec mon prix. Trop j'pris, j'en veux au monde. Et putain, j'fais un gros tri, c'est un gros truquier. Pite, l'escadrille est tandem. Quand vole au monde, tu veux voir nos rues, viens voir, on t'emmène. J'en veux au monde, on m'a dit t'es pas tout seul. J'ai dit maman, j'suis tout noir, elle m'a dit t'es pas tout seul. J'en veux au monde comme un bosniaque, un kosovar ou un cure. J'en veux au monde comme un tox dans une cure qui se tue au drogue dur. J'en veux au monde qui me torture, l'index qui dort pur. J'dors plus, j'en veux au monde, j'sors plus. Maudit soit-il que tu me pardonnes à ce monde. J'en veux le tonnerre pompe comme ma colère. J'regarde l'avenir avec le cœur et le. À chaque seconde, le rime à pompe, la terre tremble. Maudit soit-il que tu me pardonnes à ce monde. J'en veux le tonnerre pompe comme ma colère. J'en veux au monde. J'regarde l'avenir avec le cœur et le. Panique sur les sons, le pays brûle sous nos bombes. J'en veux au monde, man. Aussi vrai que mon combat se passe à l'aide d'une plume. Entends ma colère car il suffit d'un pas pour finir sur l'asphalte. Malgré que nos réalités soient différentes, on nous enferme. Mais pourquoi t'indiffères-tu du mal-être qui ronge chaque individu? On serre les coudes devant les projets conflictueux. Pourtant j't'avouerai négro que je favorise mon bonheur à celui des autres. Seules mes erreurs s'accumulent en mon âme et conscience. Et ma dépendance à l'alcool n'a rien de plus agréable qu'un bon passage à tabac. J'vois vraiment pas pourquoi ils aggravent leur cas. Pourtant ne presque toucher les remparts, la bouffe à l'œil on se plaint. Cessons d'être plein d'appréhension en ce qui concerne la vie en communauté. L'immigration est lointaine et le fait que tu sois nègre ne fait pas toi un esclave. La rage monte, les gosses merdent. Les jours se passent et les bonnes manières se perdent. Vois-tu comme une expérience pousse les plus âgés à formater les plus jeunes. Agir sans réfléchir semble être le meilleur trajet pour la chose. En m'écoutant qui pourrait croire que je glorifie le ghetto. Un culte apprend à lire, j'en veux au monde bien que mes réflexes soient plus les mêmes. J'en veux au monde car dans notre guerre les anciens inciviles mènent leur combat dans l'ur. J'en veux au monde man. Pour toutes ces gamines qui servent dans le grève, putain. Il m'aurait fallu plus d'un couplet pour que tu comprennes. J'en veux au monde. Car à ce qui paraît pour la coupe, ma couleur c'est le bleu. Aurais-tu oublié le côté négatif que dégage l'uniforme? Maudit soit-il que tu me pardonnes à ce monde. J'en veux le tonnerre bon comme ma colère. J'regarde l'avenir avec le cœur et le. À chaque seconde le rime à fond, la terre tremble. Maudit soit-il que tu me pardonnes à ce monde. J'en veux le tonnerre bon comme ma colère. J'en veux au monde. J'regarde l'avenir avec le cœur et le. Panique sur les sons, le pays brûle sous nos bombes. J'en veux au monde car la douleur rime avec mon coloris. J'en ai trop vu, j'ai la peau couleur nuit. Les yeux couleur bleue. Le monde me l'a mis. Et je m'en rappelle quand je chie, mon ami. Vu ta tête, toi aussi je pense aussi. On m'a dit tiens, prends ceci. C'est la nouvelle mode en Afrique. Et comme un con, j'ai dit merci. Puis j'ai ouvert des chaînes en acier. Et depuis, s'il y a plus d'art, c'est que la liberté est en papier. Ceux qui sont sans sont par terre ou prennent des charters. Puisque le monde a des artères, regarde ses affaires. J'en veux au monde parce qu'il a le sida et qu'il saigne. J'en veux au monde parce que c'est deux hommes et qu'ils s'aiment. Chacun son truc, mais faut pas qu'il se retourne. Quand la taille passe, même si je suis beau comme un string sous un taille basse. Carrément dit, deuxième tour, voilà la leçon. C'est parce que votre cache est sale que les élections le sont. Qu'avec le genre de votre bicrave, vous payez pas d'impôts. Alors une fois devant le juge, il vous frappe et plein pot. Que mon verbe choque, mais pourtant que mon nerf ne satisfait plus et me dit j'attends plutôt de la cour. Sauf qu'on escroque, on met donc écrasé. J'en veux au monde parce qu'il a la tête rasée. Je lui en veux comme un larnouja parce qu'il est blanc. Et que Chacha n'est qu'un carlouja. J'en veux à tout le monde. Et j'en veux tout court. Alors que le monde ne m'en veuille pas. Si pesé, je fais tout pour. Maudit soit-il que Dieu me pardonne à ce monde. J'en veux le tonnerre bon comme ma colère. Je regarde l'avenir avec le cœur et le. À chaque seconde, le rime à fond, la terre tremble. Maudit soit-il que Dieu me pardonne à ce monde. J'en veux le tonnerre bon comme ma colère. J'en veux au monde. Je regarde l'avenir avec le cœur et le. Panique sur les sons, le pays brûle sous nos bombes. La main sur ton épaule n'est pas la mienne. Et je m'en bats les couilles de l'importance que tu me portes. Enrobé d'espoir, la rue mirage a dérobé mes rêves. Car dans ma zone, c'est pas la vie, rêver des anges, mon navire. À naviguer sur des vagues violentes. Et les vents de l'espoir ont soufflé dans mes voiles. Dans ma ville, la plus grave est un trafic très lucratif. Mais je rêve d'un tube dans les charts, c'est de grosses dunes. J'adore l'amour et la chaleur de son étreinte. Mais le poids de son absence me fait trop de mal. Je suis né à l'est, là où le crépuscule tombait déjà. Et jusqu'à 7h dans ma vie, le jour ne se lève plus. Laissez-moi rire, mais l'amitié c'est quoi devant son bar? Peut-être les cendres d'un mégot dans un sandar. Ça va sentir, l'amour s'endort et la haine reste en éveil. Sur moi le soir tombe quand mes instincts les plus sortent. Le monde, je suis un théâtre. faut apprendre à jouer son rôle. J'perds ou spat, je vais pas finir d'un cancer ou mal à la prostate. Je crois que je vais finir d'un mal cardiaque. Dans mon crâne, c'est la crise. J'en veux au monde et j'emmerde, ça c'est plus une surprise. J'en veux à la haine, je cherche la paix. Regarde ma mine, dévastée par l'envie de vaincre. J'suis en période de guerre. J'dîne seul, j'marche seul. J'ai plus confiance en rien, mais moi j'me fais flipper. Alors imagine, j'en veux à l'état. Ne vis que pour les taxes, ils me prennent 56 et j'fais toujours la queue pour mes problèmes de femme. Quand je vis dans la crasse, on m'insulte. Quand je vis dans la classe, on insulte. Je suis leur pute préférée, comme dirait-il. C'est dingue. Et si je prends la révolte, comme dit Spot Gen, je me suis battu gratuitement pour rester droit. J'en veux au monde et ses théories. C'est un acharnement. Je peux durer que ce soir, je suis pas festif. Maudit soit-il, que Dieu pardonne à ce monde. J'en veux le tonnerre, bon comme ma colère. Je regarde l'avenir avec le cœur et à chaque seconde, le rime à fond, la terre tremble. Maudit soit-il, que Dieu pardonne à ce monde. J'en veux le tonnerre. J'en veux au monde. Je regarde l'avenir avec le cœur et le. Panique sur les sons, le pays brûle sous nos bombes. Maudit soit-il que Dieu pardonne à ce monde. J'en veux le tonnerre contre ma colère. J'en veux au monde. Je regarde l'avenir avec le cœur et le. À chaque seconde, le rime à fond, la terre tremble. Maudit soit-il que Dieu pardonne à ce monde. J'en veux le tonnerre contre ma colère. J'en veux au monde. Je regarde l'avenir avec le cœur et le. Panique sur les sons, le pays brûle sous nos bombes. C'est la requête cause. Sincère, Falguière, Aubervilliers, Gare Sarcelles, place des fêtes 19ème, et tout le ghetto de France. Le pays a peur, la terre tremble, Nori ma bombe, c'est première classe, négro. Et tu le sais, on en veut au monde, tout le monde nous en veut. Et tu le sais, une fois de plus, la terre.